إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous poursuivons l'explication du livre intitulé أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. Donc les repères de la sunna déployés du grand savant Al-Hakami رحمه الله تعالى رحمة واسعة. On s'est arrêté la semaine dernière à la question numéro 183. Et le Cheikh donc nous a parlé dans les questions précédentes, cette question également, tout ce qui va à l'encontre du Tawhid, tout ce qui va à l'encontre de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Que ce soit le kouf, le shirk, qu'il soit majeur ou qu'il soit mineur, suivant les différentes formes que les actes et les croyances qu'on a vues prennent. Pour ce qui est de cette question, يقول رحمه الله ما حكم الاستسقاء بالأنواع ما حكم الاستسقاء بالأنواع. Donc lorsqu'il dit ma hukm, on sait qu'automatiquement il va demander quel est le statut, c'est-à-dire le hukm, quel est le statut, est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est non autorisé, est-ce que c'est déconseillé, etc. Donc c'est un statut. Et ensuite il va répondre le shirk. Et comme il le fait à son habitude, il répond directement en lui. C'est-à-dire qu'il répond, Rahimallah, en citant un verset du Coran, qui va nous donner en réalité directement une réponse. Donc on voit, c'est ce qu'il y a de plus direct, le verset du Coran. Donc il répond par les preuves. Et lorsque c'est évident, il ne donne pas de commentaires. Lorsque c'est moins évident, il donne des commentaires. Mais ce n'est pas toujours une règle chez lui. À la kulli hal, ici il va citer donc un verset du Coran, il va citer donc deux hadiths. Donc il commence toujours par les versets, ensuite il cite les hadiths. Ça c'est son minhaj, le shirk, tout le long du livre comme on l'a vu. Ici, al-istisqa, qu'est-ce que al-istisqa? C'est talab al-suqya. Donc on sait que dans la langue arabe, lorsqu'on a le alif, ensuite le sin, et ensuite le ta, tayyib, ces trois lettres, toujours, ou dans la plupart des cas, elles traduisent, elles relatent une demande. Donc lorsqu'on dit al-istifsar, donc on demande une explication. Ici, al-istisqa, on va demander donc ce qu'on appelle suqya, donc le fait de demander l'appui, le fait de demander de l'eau de façon générale, le fait de demander ce qui va nous permettre de nous abreuver. Ça, c'est le terme al-istisqa, talab al-suqya. Ma hukm al-istisqa bil anwa. Donc, qu'est-ce que l'anwa? Al-anwa, de façon générale, donc c'est un pluriel, à la wazn, af'al, à la wazn, af'al. Al-anwa, donc c'est le pluriel de naw, pluriel de naw. Donc le nun, le waw et al-hamza. De façon générale, ce sont les astres. Il rentre bien entendu dans les astres. Al-nujum, donc les étoiles. Donc on peut traduire également par les étoiles, on peut traduire par les astres. Mais on va voir que, même si on va prendre de ce terme-là ce qui est général, ce qui est voulu par rapport à ce qui était cité dans les preuves et autres, c'est une croyance qu'avaient les gens de l'Al-Jahiliya, les gens donc du temps de l'ignorance. Et on va ici le détailler. Pour revenir avant cela à cette question, on va voir que le Cheikh, lorsqu'il va nous parler de Al-Istisqa Bil-Anwa, donc on va comprendre automatiquement Al-Istisqa Bil-Anwa, donc c'est demander l'appui par les astres. Bil, yani, par. On va demander la venue de la pluie par les astres, bil anwa, ou par an-nujum, ou comme on va le voir également, bi manazil al-qamar, donc les positions de la lune. Et bien entendu, le qamar, donc la lune, fait partie des astres. Ici, le shir, la relation qu'il y a entre les questions précédentes, c'est qu'on a parlé à la question d'avant. Le Cheikh nous a cité ce qui est en rapport avec Tanjim, c'est-à-dire l'astrologie, qui est en rapport aux astres, par rapport aux étoiles. Donc ici, la question d'avant c'était Aam, c'était donc général. Ici ça va être plus particulier. Ici donc ça va être plus particulier. Donc c'est Dhikr al-Khas Ba'd al-Aam. Donc il va citer ici une question qui est plus particulière alors qu'il avait cité auparavant ce qui était plus général. Également parce que Istisqa bil-Anwa, donc Qism min al-Tanjim. Donc ça fait partie de l'astrologie. Wa Qism, ça fait partie, c'est une catégorie de l'astrologie. Donc également, c'est la relation qu'il y a avec la question précédente. Donc on voit que le chien ne pose pas cette question après avoir posé celle qui était précédente, pour rien qu'il y a bel et bien ici une illa. Donc on a dit Al-Maqsoud bil-Anwa, on a dit les astres, on a dit les étoiles. Mais certains savants ont cité que cela en réalité, au temps de la Jahiliya, des gens de la Jahiliya, ça prenait une forme bien particulière. Et cette forme-là donc c'était d'attribuer la venue de la pluie par rapport aux positions de la lune, manazil al-qamar. Et on sait que ces manazil, elles sont de 28. C'est-à-dire qu'il y a la lune possède 28 positions, donc qui vont changer au fil du temps. Et que cette manzila, elle va changer chaque nuit. Et de façon encore plus générale, il faut savoir que cette position, c'est-à-dire une position, manzila, manzilatul qamar, donc une position de la lune va diminuer lorsqu'elle se trouve en Occident, et cela toutes les 13 nuits au moment du lever de l'aube. Donc c'est toutes les 13 nuits qu'il va y avoir une diminution de cette position, bien entendu du côté de l'Occident, lorsqu'on se trouve en Occident. Et qu'est-ce qui va apparaître en Orient, donc de l'autre côté? À ce moment-là, bil muqabil, c'est-à-dire en parallèle, il va apparaître une position. Donc une position va disparaître en Occident, une position va apparaître en Orient. Donc dans le même temps, en parallèle. Et donc ce qui va avoir pour effet, bien entendu, durant toute une année, que les positions vont toutes s'écouler au bout d'une année. En faisant, bien entendu, le calcul. Et les Arabes, du temps de la Jahiliya, ils avaient donc cette croyance que la lune, ou Arfouane, que la pluie apparaissait lorsqu'il y avait donc ce changement au niveau des positions. Lorsqu'une position apparaissait de l'Orient et disparaissait en Occident, alors ils disaient à ce moment-là, vient la pluie. À ce moment-là donc, vient la pluie. Donc ça c'était leur croyance. Et c'est pour ça qu'on dit, au niveau du verbe, parce qu'on revient au verbe na'a at-tali'a bil mashriq. Donc na'a bima'na tala'a wa nahada. Donc c'est le fait d'apparaître. Donc, on voit également ici la relation avec le terme na'u et qui c'est le verbe na'a. Na'a at-tali'a bil mashriq. Donc c'est au moment donc où apparaissait, bien entendu en Orient, une des positions, que disparaissait donc en Occident cette position également en parallèle. Donc ça c'était réellement ce qui se passait, la croyance qu'avaient les gens de la Jahiliya. Et c'est pour ça que l'islam, elle est venue pour annuler cette croyance et pour montrer donc que cela était en complète contradiction avec le tawhid, avec l'unicité d'Allah. Donc ça c'est un cas particulier qu'avaient les gens de la Jahiliya comme croyance, mais bien entendu, il va rentrer dans cela tout ce qui est beaucoup plus général. C'est-à-dire que même si la personne va croire que la venue de la pluie vient par la présence d'une étoile bien précise, ou alors d'un astre bien précis, etc. Ça va rentrer bi al-istisqa bil-anwa, al-istisqa bil-anwa. Donc après avoir détaillé cela, pour bien comprendre quel était le sujet, on va voir ce que va nous rapporter le shir comme preuve. Et pour nous prouver donc son interdiction, et que cela fait partie donc du shirk, et que cela fait partie donc du politisme, de l'associationnisme. Il nous cite le verset suivant. Yaqul al-shaykh jawaban 'an as-su'al qala Allah ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun. Et est-ce que pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge? Donc par rapport à ce verset, il y a une explication qui nous est donnée par Ali radiallahu ta'ala anhu, dans un hadith mawquf Ali, dans un hadith qui est donc de sa parole, qui est rapporté par Ibn Jarir, Ibn Abi Hatim, Ibn Diya, fil Mukhtar, et qui est Hassan, qui est Hassan, comme l'a rapporté également l'imam Ahmed et l'imam al-Tirmidhi. Ici, ma'na fil ayat, dans le verset, wa taj'aluna rizqakum. Rizqakum, comme nous est interprété par Ali, et qui était également la parole de la plupart, al-jumhur, jumhur al-mufassirin, de la plupart donc, de ceux qui ont interprété le Coran. Et comme c'est la parole également d'Ibn Abbas, Qatada, Ad-Dahhak, Wa'ata, et d'autres encore. Rahmatullah al-Jami'a. Rizqakum, shukrakum. Wa taj'aluna, bima'na, rizqakum, shukrakum. C'est-à-dire donc que votre reconnaissance, vous avez donc placé cette reconnaissance. Annakum tukadhibun. Annakum tukadhibun. Tukadhibun, ici, comme nous l'a expliqué également donc ceux qui ont interprété le Coran, mutirna binawi kada wa kada. Tayyib. Donc on va s'apercevoir ici. Mutirna binawi kada wa kada. C'est-à-dire que ces gens-là, ils vont tout simplement attribuer leur reconnaissance à Shukr à une de ces étoiles. Mutirna binawi kada wa kada. C'est-à-dire que nous avons eu la pluie grâce à cet astre, grâce à cet astre, c'est-à-dire tel ou tel astre, suivant bien entendu, ce qui sera choisi. Mutirna binawi kada wa kada. Aou najm kada wa kada, ou alors telle étoile ou telle étoile. Ça c'est marna annakum tukadhibun. Donc ici takdhib, tukadhibun, c'est-à-dire donc vous allez démentir. Mais démentir quoi? Comme on le comprend. Donc lorsque l'explication a été donnée du risque ici qui est le chouk, vous allez donc démentir cette reconnaissance et donc attribuer cette reconnaissance à un autre qu'Allah Azzawajal. Vous allez attribuer donc à cet astre. Donc on voit ici waj shirk. Donc on va voir apparaître ici l'aspect donc du shirk. Et on voit donc d'après cette interprétation qui nous est donnée que le shirk, il a bel et bien choisi ce verset et que cela rentre donc dans ce qu'on appelle l'istisqa bil anwa. Donc le fait de demander la pluie par les astres. Et ici, ça va être donc un acte de reconnaissance. La personne, lorsqu'elle fait acte de reconnaissance, ashukr. Ashukr, ça fait partie, bien entendu, de al-ibada. Ça fait partie de al-ibada. Ça fait partie donc de l'adoration. Antashkur. Tayyib. Par rapport aux ni'ma qui te sont données. Par rapport donc aux ni'ma qui te sont données. Donc ce shukr, par rapport aux ni'ma qu'Allah il t'a donné, si tu attribues donc cette reconnaissance à un autre qu'Allah, automatiquement t'es tombé dans ce qu'on appelle le shirk, parce que tu attribues une adoration à un autre qu'Allah, à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que faisaient donc les gens de la jahiliya, et c'est pour ça que ce verset est descendu, donc par rapport à l'explication qui nous a été donnée, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun. Et même si d'autres, c'est ce qu'on revoit donc dans la traduction, lorsqu'ils traduisent à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge, d'autres également interprètent du Coran, on dit annakum tukadhibun, c'est-à-dire que vous mécroyez donc au Coran. À la kulli hal, on comprend bien ici le choix du shir de ce verset-là, lorsqu'on reprend donc l'interprétation de Ali, radiallahu ta'ala anhu, et de la plupart donc des savants par rapport à ce verset. Et que ma'na rizqakum munak shukrakum, c'est-à-dire lorsque vous dites cette parole, c'est-à-dire que la pluie nous a été donnée grâce à l'étoile ou grâce à l'astre tel ou un tel. Ce verset, bisyaq al-dham, c'est bien entendu ici que c'est un blâme qui est fait. Donc ce qui va automatiquement nous prouver que l'aspect argumentatif ici, ça a pour résultat donc l'interdiction. Pourquoi? Parce que ici, bisyaq al-dham, c'est-à-dire donc ça a été exposé ce verset de manière à blâmer ceux qui font cela. Donc ce qui prouve bel et bien l'interdiction. Ici, lorsqu'on revient à cette question, l'istisqa bil anwa, et qu'on a vu donc l'interdiction, que cela fait partie du shirk, il faut savoir qu'il y a deux cas qui vont se présenter. Il va y avoir deux cas qui vont se présenter par rapport à cela. C'est ceux, c'est-à-dire les gens, qui vont croire que l'apparition d'une étoile, ou la position donc de la lune, comme on l'a donc expliqué auparavant, où l'apparition d'un astre, de façon plus générale, a une influence directe sur la descente de la pluie. Et ça, c'est irtiqal ahlil jahiliya. Et ça, c'est du kufr billah ou du shirk billah. Ayadan billah. Donc, ceci fait bel et bien partie de l'incroyance envers Allah et du polythéisme, et que c'est bel et bien la croyance donc des gens de la jahiliya. Et ça va dans le même sens ici, de ceux qui implorent donc, du'a al-mayyit ou al-ghaib, de ceux qui vont implorer celui qui est absent, celui qui est mort, et qui croient donc que cela va leur apporter ce qui va leur être bénéfique, ou repousser ce qui peut leur être néfaste. Ayadan billah. Donc ici c'est bien du kufr et du shirk, ceux qui ont cette croyance-là. Ça c'est pour ce qui est du premier cas. Pour ce qui est du deuxième cas, ceux qui ne vont pas croire que cela a une influence, mais de par l'habitude, et l'habitude de la venue de la pluie à un moment où va apparaître telle étoile, donc cela devient dans la plupart des cas une habitude, sayan sibun, c'est-à-dire qu'ils vont attribuer cela à l'astre, mais majazan, c'est-à-dire de manière au sens figuré, alors que leur croyance est bel et bien que c'est Allah Azzawajal qui a fait descendre la pluie et que c'est lui subhanahu wa ta'ala qui l'a décidé. Cela en réalité c'est également interdit. Ici donc c'est une interdiction. Ici, s'il est interdit de dire cela, même min bab al majaz, même si on le dit au sens figuré, et que cela donc va amener au shirk. C'est dans ce sens que la plupart des savants ont dit que cela a été interdit de dire cette parole-là, en ayant bien entendu cette croyance, ce point de vue. Ensuite, le cheikh va nous citer deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier hadith, c'est celui qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, et qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la suivante: أربعون في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة. Il existe donc quatre choses dans ma communauté faisant partie donc de l'époque de l'ignorance qu'ils ne vont pas abandonner. Donc quatre choses qui étaient présentes avant que l'islam vienne et qui étaient une chose répandue chez les gens de cette époque-là, avant donc l'avènement de l'islam, al-jahiliya. Et ces quatre choses, elles vont continuer d'exister dans cette communauté, donc la communauté musulmane. Et c'est ce que va nous citer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette parole-là. Donc quatre choses. Et on va d'abord profiter de cette première parole, ou de cette première partie de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un premier temps, que cela donc est attribué au temps de la jahiliya. Donc le hukm, directement ça va être at-tahrim, ça va donc être l'interdiction. Et donc on voit bien ici pourquoi le shir nous a rappelé ce hadith. Parce qu'il nous demande une question: quel est le statut de la demande de la pluie par les astres? Donc on va en déduire ici, de par cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, min amri al-jahiliya, que c'est muharram. C'est comme ça donc qu'on va en déduire al-shahid, le témoin argumentatif, et qu'on va faire apparaître donc l'aspect argumentatif de quoi? De la preuve. Et ça bien entendu, c'est une chose, même si ici c'est évident, mais c'est une chose que le talib al-ilm doit toujours s'habituer, que celui qui étudie la science, il doit toujours s'y habituer. C'est lorsqu'il va apporter une preuve qu'il sache directement en tirer le témoin argumentatif et en faire apparaître l'aspect argumentatif. Et ça pour toute chose. C'est ce qui va faire donc la force du talib. C'est qu'à chaque fois qu'il va parler sur une question de din, il va savoir quelles sont les preuves. Il va savoir à travers ces preuves où se trouve le témoin argumentatif. Car une preuve elle peut être longue. Il faut savoir exactement dans quelle partie ici, comme à l'exemple de ce hadith, quelle partie qui va nous intéresser par rapport à notre question, par rapport à ce qui nous concerne. Et ensuite faire apparaître bien entendu wajhul istidlal, l'aspect argumentatif, c'est-à-dire faire apparaître de quelle façon on va utiliser cette preuve et sous quel aspect cette preuve va appuyer ce qu'on a avancé comme hukm shar'i, c'est-à-dire comme un statut par rapport à un point bien précis de la religion. Tayyib, donc c'est ce qu'on fait apparaître ici. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous citer ces quatre choses. Il va nous dire dans un premier temps al-fakhru bil-ahsab. Donc al-fakhr, c'est tout simplement se vanter par rapport à sa filiation, c'est-à-dire sa noble filiation, sharaf al-insan, par rapport à ceux qui l'ont précédé. Tayyib. Et également, wa makanatu fil mujtama', également de par sa place qu'il occupe dans la société. Donc la personne qui se vante par rapport à ces choses-là et qui rentre donc fi al-fakhr bil ahsab, il a fait quelque chose de muharram. Il a fait quelque chose qui était propre aux gens de la jahiliya. Et c'est une chose que l'on peut voir dans cette communauté. Ça, c'est la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité. Al-fakhru bil-ahsab. Ensuite, la deuxième, wa-ta'am fil-ansab. Al-ta'am fil-ansab. C'est le fait de discréditer ou alors de dévaloriser. Tanaqqus. Ansab al-nas. Donc, le fait de dénigrer, de dévaloriser ce qui est propre donc à la généalogie. Donc la filiation également de la personne. Donc la personne, bien entendu, elle a un lignage. La personne, elle a un lignage. Et c'est le fait de discréditer, ou le fait de parler, ou le fait de dévaloriser ce lignage-là. Ça, c'est une chose également qui est interdite. Et la personne qui va faire ça automatiquement, c'est une personne, yu'adhim nafsa, c'est-à-dire qui va révérer sa propre personne, qui va avoir arrogance et qui va faire preuve donc d'orgueil. وَيَتَنَقَّسَ الْآخَرِينَ. Et il dénigre, et il va rabaisser donc les autres. Ça, c'est le résultat de cet acte-là. الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ. Et ensuite, وَهَذَا وَالشَّاهِدِ وَالِسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَى. وَالِسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَى. C'est de manière claire et nette ce qui rentre donc en interdiction ici, et qui est propre donc, qui va rentrer en réponse à la question du shirk. Donc al-istisqa'u bil anwa, comme on l'a cité auparavant, le fait donc de demander la pluie par les astres. Et ensuite, et la dernière, wan-niyaha. Wan-niyaha. An-niyaha, ça on l'a déjà vu. Donc c'est tout ce qui rentre dans les lamentations que l'on fait auprès du mort. Donc ce qu'on a vu en détail lorsqu'on a parlé sur les cours qui est en relation avec la tombe, al-qabr. Donc on ne va pas revenir dessus en détail, an-niyaha. Et qui est donc rafusot al-meit, le fait donc d'élever sa voix en présence donc du mort. Et bien, bien entendu, c'est le fait d'être en colère, donc, se mettre en colère contre le qadar, se mettre en colère donc contre ce qu'Allah a prédestiné. Et que cela, bien entendu, soit par le fait de se lamenter, le fait d'élever les voix, le fait également de déchirer ses poches, le fait de griffer ses joues, etc. Une chose également que l'on voit, subhanallah, beaucoup. Chez les musulmans, chez beaucoup de gens, beaucoup de juhal, beaucoup d'ignorants qui font cet acte-là lorsque la personne elle meurt. C'est quelque chose qui est répandu, qui rentre également dans ces quatre choses que les gens ne délaissent pas, qui font partie donc min umur al-jahiliya. Alors que ce qui était obligatoire pour la personne, lorsqu'un ibtila vient, il vient à cette personne-là, comme la mort d'un proche, c'est as-sabr, c'est la patience, ou al-ihtisab. Et donc, qu'il s'en remette à Allah, et que cet ibtila, il sait que ça vient d'Allah Azzawajal, et que de par sa patience, il sera récompensé, qu'il sera rétribué. Ça, ce qui est obligatoire pour la personne. Hadha al-wajib, as-sabr, fi jami' anwa' al-ibtila, ce qui rentre dans les épreuves. Que ce soit donc la mort d'un proche ou autre. Ça, c'est le wajib. Par contre, comme l'ont cité beaucoup de savants, parmi eux l'imam Ahmed, ce qui est ensuite un autre degré, et qui s'y rentre dans ce qui est mustahab, c'est-à-dire ce qui va être donc conseillé, et bien entendu, qui va rendre la personne à un niveau beaucoup plus élevé auprès d'Allah Azzawajal, c'est al-rida. C'est-à-dire que la personne soit satisfaite de cet ibtila. Lorsqu'elle arrive à ce degré de satisfaction réelle de par son cœur, de cet ibtila, ça c'est quelque chose, bien entendu, qui va être, comme on dit, le top. Le top par rapport donc à la réaction de la personne, du croyant, vis-à-vis de cette épreuve. Mais al-wajib, ce qui est demandé au minimum, et c'est le wajib. La personne qui ne fait pas ça, donc, va tomber dans ce qui est muharram. Comme donc cet acte que l'on voit, fi niyaha, le wajib, c'est as-sabr, patience. Également, on va citer un autre hadith. Tout simplement, en supplément, hadith qui est authentique. Hadith qui est authentifié par Sheikh al-Albani, fi Sahih al-Jami'a, qui est numéro 1553, et qui a d'autres versions également. Qui est un hadith de Jabir ibn Samura. Comme cela est auprès de l'imam Ahmed également à Tabarani. Et également une autre version de ce même hadith, qui est un hadith de également Abi Umama, comme nous l'a rapporté l'imam Tabarani. Et qui sont en réalité des hadiths qui sont donc authentiques, authentifiés par beaucoup de savants, parmi eux, Sheikh al-Albani, parmi les muhaddithines. Ce hadith, c'est le suivant. Akhafu ala ummati thalatha. C'est-à-dire, je crains par rapport à ma communauté trois. Donc trois choses. Akhafu ala ummati thalatha. Istisqa'an bin nujum. Istisqa'an bin nujum. Hada wa shahid. Istisqa'an bin nujum. Donc le fait de demander l'appui par les astres. Wa haifa sultan. C'est-à-dire donc jawra sultan. Donc l'injustice des sultans, l'injustice de ceux donc qui gouvernent. Wa takdhiban bil qadar, wa takdhiban bil qadar, et donc le fait de démentir et de mécroire au qadar, donc à la prédestination. Ça également, c'est un hadith qui vient appuyer ce qui était cité auparavant. Ensuite, le shir va citer un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est advenue donc lors de Al-Hudaybiyah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec ses compagnons Al-Fajr, et qu'ensuite donc il leur a parlé par rapport à une chose qui était arrivée et donc qui va concerner notre sujet, Al-Istisqa bil Anwa. Dans ce hadith, il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est un hadith qudsi. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire qala Allah, il va dire donc qala Allah. Donc à partir de là, on va savoir que c'est un hadith qudsi. Et lorsqu'on dit hadith qudsi, donc ce terme qui vient donc de al-quds, et al-quds au niveau de la langue arabe, ça veut dire at-tahara. Ça veut dire donc at-tahara, qui est donc la chose pure, la chose qui est pure. C'est pour ça qu'on dit al-hadith al-qudsi, donc un hadith qui va être pur. Wa min bab al-tashrif al-hadith al-yunsab ila Allah, lorsque Allah azza wa jalla dit, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qala Allah, on dit al-hadith al-qudsi. Pour ce qui est al-hadith al-qudsi, il faut savoir que les savants les ont divergé. Est-ce que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le sens d'Allah ta'ala, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui va parler, mais qui va nous transmettre le sens qu'Allah Azzawajal a voulu. Taïb. Ça, c'est pour ce qui est de certains savants. Et d'autres savants, ceux qui vont dire que le sens et la parole sont tous deux d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire que non seulement c'est la parole d'Allah, la parole même d'Allah. Et bien entendu, min baba aoula, le sens. On voit la divergence qu'il y a entre les deux. Mais il faut savoir, sans rentrer dans tous les détails, la parole la plus forte par rapport à cette question-là, c'est le premier avis. C'est ceux donc qui disent parmi les savants que c'est la parole du prophète, mais que le sens est d'Allah Ta'ala. Et parmi, comme on l'avait déjà cité, parmi donc ce qui est rapporté comme argumentation, c'est que le hadith al-Qudsi n'a pas les lois du Qur'an. Le hadith al-Qudsi n'a pas les lois du Qur'an. Contrairement au Qur'an qui est sans aucun doute la parole d'Allah Azzawajal, il n'a pas donc les lois. Et si c'était sa parole, alors les lois du Coran seraient attestées et appliquées dans son cas. C'est-à-dire qu'on va appliquer automatiquement. Si c'était la parole d'Allah Azzawajal comme le Coran, alors on appliquerait sur cela donc les lois du Coran. Taïb. Ensuite, si c'était la parole d'Allah, alors il faut savoir que l'isnad, c'est-à-dire donc la chaîne de transmission, on sait donc qu'une parole, elle va être transmise. Et que dans cette transmission, il va avoir des acteurs, des personnes qui vont transmettre cette parole. Donc c'est ce qu'on appelle l'isna, la chaîne de transmission. À ce moment-là, elle aurait été donc plus élevée que le Qur'an. Pourquoi? Car il n'y a pas, en ce cas-là, d'intermédiaire entre Allah et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et non. Car on sait que le Qur'an, il a été révélé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire de Jibril. Dans ce cas-là, pour ce qui est du hadith Qudsi, si on a dit c'est la parole même d'Allah Azzawajal, il n'y aurait pas eu d'intermédiaire. Donc l'isna aurait été bien entendu plus élevé. Également, si c'était la parole d'Allah, alors ce serait considéré comme un miracle. Également, et de même que le Qur'an. Et le défi donc aurait été lancé aux hommes de venir avec ce qui lui est égal. Également, et ça va rentrer peut-être plus dans l'ahkam, ahkam al-Qur'an, si on aurait dit que c'était la parole d'Allah, on aurait pu le toucher également qu'en état de pureté, comme on le fait avec le Qur'an. Et d'autres arguments encore. À la kulli hal, le hadith al-Qudsi, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le sens d'Allah azza wa jalla. Donc dans ce hadith, wa qala Allah ta'ala, asbaha min ibadi mu'min bih. Et avant cela également, ce qu'on pourrait citer, non, pourquoi? Parce que lorsqu'on dit qala Allah ta'ala, qala Allah ta'ala, il pourrait avoir une ambiguïté. Comment on dit que le prophète il dit Allah azza wa jalla dit, on dit en réalité que c'est le sens d'Allah, mais ce n'est pas la parole d'Allah en elle-même. Donc ça pourrait être une ambiguïté qui pourrait advenir pour ce qui est du hadith al-Qudsi. Et la réponse à cela, c'est que tout simplement, Allah dans le Coran, il dit qala Fir'aun ou qala Moussa, c'est-à-dire que Pharaon a dit et Moïse a dit, alors que leur langue à ces gens-là, que ce soit Pharaon, que ce soit Moïse, n'était pas la langue arabe. Donc c'est l'expression qui va être citée. Donc on va tout simplement reprendre ce qui a été dit ici. Allah Azza wa Jalla va reprendre ce qui a été dit. Ils ont dit. Taïb, et c'est bel et bien la parole d'Allah Azza wa Jalla. Mais à la base, qui c'est qui a dit ces paroles-là? C'est comme un exemple de Pharaon. Pourquoi? Parce que dans le Coran, il dit qala Pharaon wa qala Moussa, etc. Donc tout simplement, on va s'apercevoir que les mots et les termes, ils vont diverger. Parce qu'ils divergent lorsqu'on emploie des termes dans une langue et on emploie des termes dans une autre langue. Automatiquement, on va voir ici une divergence par rapport donc aux mots utilisés. Et pourtant, Allah Azza wa Jal, ici, il dit « Qala Moussa » ou « Qala Fir'aoun ». Il va dire pourtant « Moïse a dit » et « Pharaon a dit » alors qu'ils n'ont pas dit exactement cela, mais qu'ils l'ont dit dans une autre langue. Donc ici, il n'y a pas d'ishkal. On voit ici qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Donc Allah Azza wa Jal, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dise qala Allahu ta'ala, et que ce ne sont pas les paroles même d'Allah Azza wa Jal, mais que c'est le sens qui va donc ici exprimer, il n'y a pas d'ambiguïté, comme cela donc on le retrouve dans le Coran. Mais ici bien entendu dans le sens inverse, lorsque Allah Azza wa Jal il parle subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit qala Allahu ta'ala asbaha min ibadi mu'minun bih wa kafir. أصبح من عبادي مؤمن به وكافر يعني وكافر به فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به وكافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر به ومؤمن بالكواكب. Donc Allah a dit, parmi mes serviteurs, certains sont devenus croyants en moi et d'autres incroyants. Quant à celui qui dit la pluie nous a été donnée par la grâce d'Allah et sa miséricorde, celui-là est croyant en moi, incroyant à l'astre. Quant à celui qui dit la pluie nous a été donnée grâce à tel et tel astre, celui-là est incroyant en moi, croyant en l'astre. Donc on va voir ici qu'il y a deux catégories de personnes. Ici le mu'min ou le kafir, c'est-à-dire donc celui qui est croyant et celui qui est mécréant. Et quelle va être donc la cause ici de la croyance? Quelle va être la cause ici de la mécréance? C'est, comme il est cité même dans ce hadith, c'est que des gens, ils ont donc attribué la venue de la pluie à des astres, ou alors à un astre, ou alors à une étoile. Taïb, et cette personne qui a fait cela, c'est tout simplement une personne qui a cru mu'minun bil-kawkab, mu'minun bil-kawkab, c'est-à-dire croyant à l'astre, mu'minun bil kawkab, et donc il a mécru Allah Azza wa Jal. Ici bien entendu pour ce qui est de la al-ni'ma, pour ce qui est de la reconnaissance de cette ni'ma, pour ce qui est de la reconnaissance donc de ce bienfait bien entendu qui est la descente de la pluie, et qui va abreuver donc les gens et ce dont ils ont besoin. Par contre, la personne qui va dire, elle, مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ, ça c'est le croyant, Allah Azzawajal, car il a attribué cette reconnaissance à Allah Azzawajal, et plus précisément, بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ, à deux de ses attributs. Ici, à deux de ses attributs, بِفَضْلِ اللَّهِ, donc la grâce d'Allah, وَرَحْمَتِهِ. Et on sait qu'Allah Azzawajal, il a deux attributs, que ce soit التَفَضُّل. Donc lorsqu'on dit التَفَضُّل, c'est le fait donc de faire grâce. C'est lorsqu'Allah Azzawajal il fait grâce à une personne. تَفَضَّلَ اللَّهُ عَلَى فُلَانٍ, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal a fait grâce à une personne. التَفَضُّل donc, هَذَا مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ, ça fait partie donc des attributs d'Allah Azzawajal. وَرَحْمَتُهُ également, c'est-à-dire donc la miséricorde d'Allah Azzawajal. Et on sait مِنْ أَثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ, on sait donc de part ou le résultat de ce l'effet et le résultat donc de cette rahma, on le trouve dans la pluie. On va trouver donc cela dans la pluie, subhanallah. Cette ni'ma qu'Allah Azzawajal nous fait descendre, la pluie. Et regardez, subhanallah, on sait que al-ni'ma ibtila, on sait que le bienfait automatiquement un test. Allah Azzawajal il teste, il éprouve les gens de par al-ni'ma. Il y a donc ceux qui vont reconnaître ce bienfait et l'attribuer à Allah Azzawajal et être reconnaissant envers lui par rapport à cette ni'ma, et les autres bien entendu le contraire, et comme cela donc est advenu dans ce hadith. Et combien on voit, subhanallah, lorsqu'on parle de la pluie, combien on voit al-kuffar, c'est-à-dire les mécréants, lorsque la pluie elle tombe, lorsque cette ni'ma elle tombe, ils insultent. Regardez, et si Allah Azzawajal leur avait enlevé cette ni'ma, cette pluie, qu'est-ce qui serait devenu? Donc regardez ce bienfait qu'il leur donne et regardez comme ils insultent. Regardez, c'est-à-dire à quel point leur mécréance est apparue dans leur qawl, dans leurs paroles et dans leurs gestes. Ayadan billah. Donc voilà pour ce qui a été cité par le cheikh à cette réponse. On va rajouter un verset du Coran également que l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, dans ce même chapitre, nous a rapporté dans son kitab, bien entendu, kitab al-tawhid. Donc si on peut écrire la traduction, c'est les versets de 75 à 82, les versets de 75 à 82, ou alors de 75 jusqu'à 78, ça suffira, inshallah. Hadafi surat al-Waqi'a. Non. Aywa, donc si on peut nous écrire les versets. Taïb. فيقول الله عز وجل في هذه الآيات يقول سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. À la kulli hal, pour ce qui est de ce verset là, il faut savoir qu'il y a une explication qui a été donnée. Donc ici dans ce verset, fala uqsim, donc fala allahuna annafia, allahuna annafia, c'est à dire laysa al-amr kama za'amtum, c'est à dire que ici Allah subhanahu wa ta'ala, et quelle va être donc la relation avec l'istisqa bil anwa, c'est qu'Allah Azzawajal lui kadhib, et il dément donc ceux qui font cela, c'est-à-dire il dément subhanahu wa ta'ala ceux donc qui vont demander la pluie et qui vont être reconnaissants de par ce bienfait aux astres tayyib. Donc ici hadha wajh al-istidlal, c'est qu'Allah Azzawajal, comme cela a été énuméré par beaucoup ou cité par beaucoup parmi les mufassirin, c'est que tout simplement Allah subhanahu wa ta'ala, de par ce verset, yukadhib haoula, c'est-à-dire qu'il va mettre en évidence que leurs paroles batil, c'est-à-dire ceux donc qui vont demander la pluie et être reconnaissants de par cette pluie aux astres, et plus précisément ici aux étoiles. C'est pour ça qu'Allah azawajal yaqul fala uqsimu bima waqi'in nujum, et donc ici qasam min Allah azawajal. Donc Allah azawajal il va jurer, il va prêter serment, subhanahu wa ta'ala. Et on sait qu'Allah Azzawajal, il jure de par ses créatures. Et que les créatures, il leur a interdit de jurer par un autre qu'Allah Azzawajal. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, halafa bi ghayri Allah faqad kafara wa ashrak. Celui donc qui va jurer par un autre qu'Allah Azzawajal, il va faire donc un acte de mécréance ou de polythéisme. Et on sait donc que cela va rentrer dans le polythéisme mineur, celui donc qui va jurer par un autre qu'Allah Azzawajal. Par contre, Allah, lui, il jure par ses créatures. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. Non, je jure par les positions donc des étoiles, les positions. Et on sait qu'Allah Azzawajal, lorsqu'il jure par une créature, on sait que pour ceux qui vont réellement réfléchir sur ces grands signes, et on sait que le mawaqi'a, mawaqi'a al-nujum, c'est un grand signe. Lorsqu'on regarde le ciel, lorsqu'on regarde ce nidham, lorsqu'on regarde donc comment elles sont assujetties, ces étoiles, comment elles sont placées dans le ciel, leur beauté et leur immensité, on va s'apercevoir donc à partir de là de la grandeur d'Allah Azzawajal. Car à chaque fois qu'Allah il jure sur une créature, automatiquement il y a un secret dans cela. Et ceux, ceux qui réfléchissent sur le Coran, ils s'aperçoivent donc réellement de l'importance de cela. Quelle influence cela a à travers donc cette parole d'Allah Azzawajal, subhanahu wa ta'ala. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, wa innahu laqasamu law ta'lamuna 'azim. Inam, c'est vraiment un serment immense, solennel, si vous saviez. Et c'est certainement un noble Coran. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Innahu laqur'anun karim. Inam, c'est certainement un noble Coran. C'est-à-dire, ce n'est pas la parole comme on dit al-mushrikun. Ce n'est pas du sihr, la sorcellerie. Ce n'est pas al-kihana. Ce n'est pas donc des devins, etc. Non, c'est bel et bien la parole d'Allah. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Dans un livre bien gardé. Al-lawha al-mahfouz. C'est-à-dire donc la table bien gardée. À la kulli hal, ici est shahid, donc c'est fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Et également, ça c'est une autre explication qui nous a été donnée par Ibn Abbas, c'est qu'Ibn Abbas il voit ici nujum, yani bima'na nujum al-Qur'an. Car on sait que al-Qur'an il est descendu en une seule fois, Laylat al-Qadr. C'est-à-dire qu'il est descendu de la part d'Allah Azzawajal au premier ciel en une seule fois, fi Laylat al-Qadr. Et qu'ensuite, il est descendu mutafarriqan, c'est-à-dire qu'il est descendu petit à petit et en partie fit dunya, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas, sur la terre, donc sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que Ibn Abbas lui le voit dans son avis par rapport au tafsir de ce verset. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, il voit où ici, c'est nujum al-Qur'an. Nujum al-Qur'an, donc dans le sens comme on l'a expliqué. والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك